Bonjour madame, d'où vient le train à destination de Barcelone? Le TGV 623 à destination de Barcelone vient de Montpellier. Merci madame.